Gurekin goizuntan Michel Tubiana, Giza Eskubiden Ligako ohorezko presidentea eta bakegilea. Egunon? Bonjour! Michel Berruko Irigoyen eta Jean-Noël Etxeberri Txetxekin ahemanetan txartu zinezten hiruak eta erakunde ahmatuarekin dola urte bat. Luson iragantzen erakundearen ahmagabetzearen prestatzeko. Nola iragantzen, hartu emana? Écoutez, il s'est passé, je veux dire, nous avions décidé de prendre en charge Erabaki ginuen estatuek ukatu ahmagabetzia gure gain hartzia, beraz behar eta beharrezkoak diren desmartxak egin ditugu erakundeak ardurak guri eman ziezazkigun ahmagabetzia horren gauzatzeko. Nous confie la responsabilité de procéder à ce désarmement nonobstant le manque de bonne volonté des états. Zure rol importanteaz mintza gaitezen, etzinen Luxoko etxean, polizia operazio denboran, B-plan bati pentsatua zinuten. Ideia zen zure famaz baliatzea frantses prentsarekin komunikatzeko? Non, les choses se sont faites comme elles ont se sont faites. Ez, gertakariak pasatu arau iragandira gauzak, eta gero kanpotik kudeatu ditut gertakariak nere partetik, baita ere nere prentsarekiko ahemanak, gero egia da frantses gobernuak untxala gundu gaituela, Espainiak gobernuaren informazioak itxuki errepikatuz iragarriz iraganezten atxiloketa bat. En recopiant servilement les informations provenant du gouvernement espagnol nous a rendu bien service en annonçant une arrestation qui n'a pas eu lieu. Operazio denboran, beldurtu ote zinen prestakuntza guzia zangoz gora joan zadin? Avant, pendant et après. Oui. Bien évidemment que je pense que collectivement nous pouvions craindre Erran gabe doa kolektiboki beldur egoiten alginela eta nunbait poliziaren parte hartzea operazioaren porrot bat da. Denbora berian gero iniziatiba politikoaren susentasunak astapeneko porrotaren itxura kanbiatu du. En même temps, je dirais que la justesse de l'initiative politique a permis de renverser ce qui pouvait apparaître au début comme un échec. Eta zu pertsonalki zerk bultzatu zintuen bake prozesuan sartzeko, gainera molde ilegal batean? D'abord, si bien évidemment cela implique un engagement. Lehenik engaiamendu pertsonalaz gain, Giza Eskubideen Ligako goi kargudunen engaiamendua izan da, nahiz eta denek ez jakinan izan arrazoin argiengatik. Tout le monde n'était pas au courant pour des raisons évidentes du détail des choses, donc c'est un engagement à la fois personnel mais aussi au titre de la Ligue des droits de l'homme. Beraz bien engaiamendua izan da, bake prozesu bat baita, gero ligaren ezaugarrietan da, bidean errestia, prozesu demokratiko bat eta bake prozesu bat plantan ezartzen direnean. Dès lors que la démocratie, une vision démocratique des choses, un processus démocratique et un processus de paix se met en place. Luxotik landa gintzen Baionako ahmagabetze eguna, zure ustez nola zardietsi da Frantziako gobernuaren parte hartzea? Le fait qu'il soit mis au pied du mur, le rôle déterminant à la fois des élus du Pays Basque. Hautetxien rol erabakigarria, baita ere Euskal Herriko jendarte zibilarena, nahi argi hori beharrezko irriskoen hartzeko, Frantziak eta Espainiak ukatu ahmagabetze untan. Même si le gouvernement français et espagnol n'en voulait pas, on fait que, sauf à s'exposer à un clash majeur, beraz, ehunka atxiloketa eragin zitzakean klas handi baten irriskoaren saihesteko Frantziako gobernuari etzaio hauturik eman eta parte hartu behar izan du, nahiz eta ezen gaiamendu oso bat izan, mai inguruan ez baita jarri, nun elementuak eskuratu dituzten bakegile guziek, ahma gordetegien leku erdo azkienak. Remise des éléments au faiseur de paix, au participant à ce processus pour révéler les endroits où étaient les stocks. Ekintza horiek gauzatu ahal izan dira testu inguru berezi bati esker, Holand gobernuaren bukaera, Kazena Bizaitea lehen ministro, Manuel Baltzen ordez? Il est incontestable que la comailleur Eztabaida ezina da, Manuel Valls oztopo bat izan entzen hori izan balitz. Aurait été plus exactement un handicap s'il avait été présent. Hala ere, ez niz segur, Errepublikako lehendakaritzak babestuko zituela izan zitaizken borrokak, ostion nion bezala, ikusiz ze irrisku bazen. Au cas où Valls s'y serait opposé, ou aurait été en mesure de s'y opposer, aurait cautionné un affrontement de la nature que j'évoquais tout à l'heure, avec tous les risques que cela comprenait. y compris parce que l'on était en période électorale. Gainera hauteskunde kanpaina garaia zen, beraz lehendakaritzak ezin zuen hori baimendu, naiz eta Hollande hautagaitzatik kanpo izan. Si François Hollande n'était plus candidat. Mais incontestablement la personnalité de Baina segurda Cazeneuve-en nortasunak bideak errestu dituela, bere argitasun politikoa galtzena baino handiagoa baita. Dans son intelligence politique et mais c'est presque une tautologie supérieure à celle de Manuel Valls. Heldu den larun batean presoak orain lelopean iraganen da Pariseko manifestaldia. Zer pisu ukan dezake eta zergatik garrantzitsua da parte hartzea? Je pense que il faut que cette manifestation soit un succès. Elle l'est déjà, si j'en juge par le nombre de Ikusiz Pariserat zenbat euskal herritar joanen den manifestaldi hori jada arrakasta bat da. Mais il faut qu'elle le soit encore plus. Parce que c'est elle qui permettra à la fois de vérifier Baina gehiago izan behar du, baki bide horren karietarat horrek erakutsiko baitie autoritateer Euskal Herri guzti aldarrikapen horien gibeletik dela eta egiazko elkartasun bat ere badela, Frantziako beste eskualdeen ganik ere badela parte hartze bat Parisikoaren abarne. Y compris la région parisienne, à cette démarche de paix. Et là comme ailleurs, je ne connais pas de situation ez dut ezagutzen egoerarik nun ezten indar harremanik behar. Alors ce rapport de force peut-être de bakitsua eta demokratikoa izan daiteke baki prozesu honen ildotik, baina beharrezkoa da bestenaz ez du fruitu handirik emanen. Dans la ligne de ce processus de paix, mais néanmoins il faut l'établir, car sinon nous irons au minimum moins vite et au pire pas très loin. Frantses gobernuan lehoak mugitu dira, Espainian ez. Larun batekoa jakastatsua izanen dela jakina da, gero, Espainiako gobernuak iritziz kanbiatzeko zer behar litaike? Qu'il devienne intelligent, c'est un rêve, qu'il change d'attitude et qu'il change de politique. Amets bat da, jarreraz eta politikaz kanbiatu behar lituzke. Je ne sais pas quels sont les ingrédients du changement. En dehors, évidemment, d'un changement. Ez dakit zoin izan ditazken aldaketaren osagaiak, nun ez den gobernu aldaketa bat, alderdi popularari zuzendaritzak enduz. Parti populaire ne soit plus à la direction des affaires. Mais en dehors de cela, je pense que ce que nous hortaz aparte, pentsu dut, testu inguru edo ingurumen kanbiamenak bakartasunean ezar dezakela Espainia. Sur le gouvernement espagnol en l'isolant dans sa position jusqu'au boutiste. Et là-dessus, sur ce point-là, le gouvernement français joue bien évidemment un rôle essentiel. Hor frantziaren gobernuaren jola garrantzitsua da. Lehen auzoa baita, Ipar Euskal Herri bat eta Ego Euskal Herri bat baitira, antzigabe presoa initz direla Frantzian, beste akusazioa inarri dituztenak generat Espainian, beraz ezin da bake prozesu bat baldintza horietan eraman, hogoi, hoita amar edo berrogoi urtez, edo kondenatua da porrote egiterat bake prozesua. On ne va pas continuer un processus de paix pendant 30, 40 ans, 20 ans, sauf bien entendu à vouloir le tuer. Jonan Fernandezek, Euskal Gobernuko bake eta bizikidetza idazkariak, adierazpen batzu egin ditu, eganez, ez dela keinurik erakusten duenik Frantzia, Espainiako jarreratik beresiko dela? Hots, ez dela esperantza faltsurik saldu behar? J'ai moi-même dit que il nous fallait établir un rapport de force. C'est pourquoi il faut que cette manifestation soit un vrai succès tant par le nombre Ni aurek errandut indar harremana plantan ezarri behar zela. Hortarako manifestaldi unek arrakasta izan behar du. Denbora berean bozera maile horren erranak indar gabitzen ditu errealitateak. Frantziako gobernuarekin solastatzeko ere moak sortu baitira, nahiz eta ezten beste munduko gauza bat ere, zeintza jaundiko presoen estatu sandana bat kenarazi ditugu, eta solasaldiek aintzina segitzen dute, beraz, gizon horren erranak, Euskal Herrian ordezkatzen duen alderdiaren interesek gehiago loturi dira errealitateari baino. Donc au moins sur ce plan-là, ce que dit cet homme relève plus des intérêts du parti qu'il représente au Pays Basque que de la réalité. Michel Tubiana, Giza Eskubideen Ligako Orezko presidentea eta bakegilea ere zirela, horretaraz dezagun, mil esker. Merci à vous.